Chapitre 47e, un auditoire gelé. Sur ses épaules, Paulin Broquet chargea le 1, Gabriel fit de même pour le 2. Ils allèrent dans une des galeries sombres, assez loin pour qu'on n'en soupçonnât pas leur présence, doucement déposer leurs deux compères. « Nous voilà maîtres de la situation, » dit Paulin Broquet. « Qu'est-ce que vont devenir ces hommes ? Ne nous inquiétons pas de leur sort. Quand ils se réveilleront, comme ils connaissent parfaitement les catacombes, qu'ils ont le secret des passages, ils sauront bien se tirer d'affaire. Mais quand ils nous reverront, que feront-ils ? D'abord, mon garçon, rien ne dit jusqu'à présent qu'ils nous revoient jamais. Je n'en pressens pas la nécessité. Puis, quand bien même, quel danger y aurait-il ? Ils vont vouloir se venger. De quoi se venger ? De ce que nous venons de leur faire. D'abord, mon garçon, s'ils arrivent à comprendre ce qui leur est arrivé, ils ne sauront jamais qui a pu leur jouer ce tour. Cependant, il n'y avait que nous deux. Possible. Mais nous les avons attaqués dans la nuit. Ils ne nous ont pas reconnus, ils n'ont pas eu le temps d'abord, ça a été vivement fait, ni le moyen, puisqu'ils n'y voyaient pas clair. Puis, ils ne savent pas si nous n'avons pas été comme eux victimes d'un coup pareil. C'est difficile à admettre, chef. Crois-tu? Si la pince et le harpon se payant d'audace, cela étant nécessaire, revenez après la séance, quand tout le monde sera parti, retrouvez le 1 et le 2. S'ils assistaient à leur réveil, semblant comme eux sortir de l'anesthésie, s'ils leur disaient que comme eux, ils ont été attaqués, jetés à terre et endormis par force. Et s'ils émettaient cette idée, non dépourvue de vraisemblance, que c'est là un coup de zygomare. Un coup de zygomare? Parfaitement. Zygomare, qui a, par trahison, par indiscrétion ou par hasard, surpris les menées sourds du un contre sa puissance. Zygomare, qui a tenu à écarter pour cette séance orageuse un danger pressant, un ennemi redoutable. Crois-tu, mon garçon, que le 1 et le 2 se montreraient longtemps et obstinément incrédules ? Je ne crois pas, en effet, chef. Bon. Seulement, comme je ne vois pas, pour le moment du moins, la nécessité de risquer cette tentative, laissons ces deux braves gens dormir tranquillement. Plus tard, nous verrons. Marquons la galerie pour la retrouver. C'est fait. Maintenant, allons jouer notre nouveau rôle. Peu après, Paulin Broquet et Gabriel revenant sur leurs pas, trouvèrent dans la galerie principale, à terre, la pince qui ouvrait la trappe et les cagoules noires dont devaient se revêtir le 1 et le 2. Ils passèrent aussitôt. Paulin Broquet endossa celle du 1, qui portait sur la poitrine un grand Z en jaune, Gabriel, celle du 2, dont le Z était vert. Ils rencontrèrent l'escalier de pierre. Ils ouvrirent la trappe et reprirent place dans le cabinet des patates. L'heure maintenant était arrivée. Les Z commençaient à rôder dans le couloir. Le 2, en l'occurrence Gabriel, commença ses fonctions. Il ouvrit la porte du salon et fit entrer un à un les hommes. Parmi les premiers qui pénétrèrent dans le cabinet des patates se trouvèrent deux hommes de la brigade de Paulin Broquet. Le détective les reconnut aussitôt. Il les prit à part et leur donna une consigne à l'oreille. Cette consigne était d'aller occuper les deux niches de garde dans l'escalier de pierre. Alors le défilé des affiliés continua sous les yeux des deux détectives, remplissant à la perfection leur rôle d'assesseurs. Sous la cagoule qui les cachait absolument, personne ne pouvait se douter de leur vraie personnalité. Passant devant eux, on leur faisait les signes de reconnaissance, et l'on pénétrait dans les catacombes de la baleine, on mettait le pied sur la première marche de l'escalier tournant si dangereux. Il va sans dire que Paulin Broquet se faisait reconnaître de chacun de ces hommes. Ceux-ci, habitués aux transformations, aux surprises du chef, ne manifestaient leur étonnement par aucun mot qu'on eût entendu, par aucun geste qui eût été aperçu. Mais dans leurs yeux, Paulin Broquet voyait luire une flamme de contentement, de bon espoir, de dévouement absolu. Les aides, enfin, les faux aides et les vrais, se glissèrent tous dans la trappe. Alors le 1 et le 2 abandonnèrent leur poste dans le cabinet des patates, ils suivirent les affiliés, refermant ce que le véritable 1 leur avait montré, la trappe, la retenant intérieurement par les barres croisées. Ils allèrent prendre place devant la tribune, comme le leur commandait le règlement de Zygomare. À son grand étonnement, Paulin Broquet aperçut, immobile et pareil à des statues recouvertes de draps rouges, derrière la tribune, le grand Zygomare, aux aides en or, et ses quatre assesseurs. Paulin Broquet et Gabriel avaient dûment étudié les hommes qui leur donnaient les mots de passe, qui faisaient les signes de reconnaissance. Et Paulin Broquet, s'il n'avait pas reconnu tous ceux qui, le prenant pour le 1, étaient passés devant lui, avait toutefois acquis cette certitude que ni le célèbre Van Twyck, ni ses compagnons qu'il avait aperçus l'autre soir dans un des cabinets des patates, où il singeait les hommes ivres, n'étaient passés devant ses yeux. À vrai dire, il comptait les voir apparaître, et c'est eux surtout qu'il voulait faire suivre par ses hommes, qu'il espérait pouvoir arrêter pour anéantir du premier coup la redoutable association au moment où, après un long sommeil, elle se réveillait. Car il était persuadé que Thumbtweak et ses compagnons formaient le conseil suprême de Zygomar, et que parmi eux, certainement, se trouvait le vrai, l'illustre Zygomar lui-même. Comme Paulin Broquet, tout en regardant par les deux trous de sa cagoule le Zygomar et son conseil qui se tenaient derrière la tribune, essayait vainement de percer le mystère de ses cagoules rouges, un coup de sifflet retentit. Paulin Broquet savait que ce signal voulait annoncer l'ouverture de la séance, et qu'il donnait à l'homme faisant fonction de 1 l'ordre de tirer le rideau. Le détective consciencieusement obéit. Déjà en venant ici, il avait fait rendre lampe à acétylène toute leur clarté. Zygomar apparut derrière sa tribune dans son immobilité obsédante, terrifiante. La foule poussa un cri. « Zalavi !»« Zalamort !» répondit Zygomar, sans bouger, sans que le moindre souffle de sa parole fît mouvoir la cagoule rouge que zébrait le grand Z en galon d'or. Puis un silence se fit. Comme autrefois, à l'ancienne barbotière du boulevard de Clichy, les aides observaient l'absolue discipline. Alors la voix de Zygomar résonna. Cette fois, Paulin Broquet vit au mouvement que malgré tout faisait la cagoule, au geste instinctif mal réprimé, que l'homme qui prenait la parole était bien celui qui présidait la séance, celui qui se trouvait entre les quatre membres du Conseil suprême. C'était bien Zygomar. Sous les voûtes, la voix semblait grave, quoique assourdie par l'étoffe de la cagoule. « Mes chers compagnons, commença l'orateur, mes amis, Zygomar vous a réunis ce soir pour vous exprimer sa douleur et sa peine. » À ses oreilles est parvenu le bruit pénible de paroles de mécontentement, de doute, de menaces d'abandon, de défection. Et cependant, en demandant à faire partie des aides, vous vous êtes engagé à obéir, à servir fidèlement, à donner à Zygomar jusque à la vie, jusque à la mort. À la vie, à la mort. Mais ce fut sans aucune chaleur, sans le moindre enthousiasme, comme s'il répétait machinalement un mot sans en comprendre le sens. L'orateur dut être frappé par ce manque de conviction des aides, car il garda quelques secondes le silence, ému et embarrassé. Il ne sentait pas son public, comme on dit au théâtre, il avait conscience qu'on ne le suivait pas. Alors, pour attirer l'attention, frapper les esprits, selon les principes de l'art oratoire, il éleva fortement la voix et s'adressant directement aux auditeurs. « Qui donc a pu parmi vous jeter ce ferment de discorde, souffler cet air néfaste du doute ? Et qui a pu vous pousser sur le chemin de la trahison ? Qui ? Pourquoi ? Dans quel but ?» Comme la salle ne se dégelait pas encore, Zygomar alors fit un geste. D'un mouvement large, il étendit les bras et déploya sa cagoule comme deux immenses ailes rouges. « Expliquons-nous donc, quels sont vos griefs ? Exposez-les ! Bien que ce soit contraire au règlement de l'association, Zygomar consent, pour cette fois, à vous entendre. Que ceux qui ont à formuler des plaintes ou des désidératas sortent de l'auditoire, qu'ils viennent devant la tribune. Les assesseurs vont les encadrer, leur donner le moyen de parler. Avancez. Zygomar veut bien vous entendre. Il est prêt à vous répondre. » Personne ne bougea. Et le silence, ce silence effroyable pour l'orateur du public hostile, régna plus lourd, plus accablant encore. Alors Zygomar eut un rire sarcastique. « Et quoi ? Ce sont là toutes vos objections, toutes vos critiques, toutes vos plaintes, et aussi l'ensemble de tous vos désirs ?» Alors, tapant fortement sur la tribune, il reprit plus vibrant. « Eh bien, si vous reculez, si vous n'osez parler, trouvant maintenant qu'il fallait dire franchement vos sujets de mécontentement bien petits, c'est moi, qui vais vous les exposer, c'est moi, qui tout haut vais dire ce à quoi vous pensez. Ce que vous n'osez faire entendre. Vous vous plaignez de n'avoir pas touché d'argent depuis quelque temps déjà. Vous vous plaignez de ne pas savoir quand vous en toucherez. Vous vous plaignez de ce qu'aucune affaire n'est en train. Et vous dites, ayez le courage d'en convenir, que puisqu'avec Zygomar, on ne fait pas fortune, il faut abandonner Zygomar. C'est cela, n'est-ce pas ? C'est bien cela. » Alors l'orateur de nouveau fit un grand geste. Puis après un temps, il reprit. « Eh bien, mes amis, mes compagnons, mes frères, Zygomar, envers qui vous vous montrez méfiant, oublieux, ingrat, Zygomar, lui, ne vous oublie pas. Il ne vous garde pas rancune et ne vous abandonne pas. Pendant que vous tramiez dans l'ombre contre lui, il travaillait pour vous. Il se dévouait pour vous. Zygomar préparait une victoire nouvelle et grandement rémunératrice pour vous. » Dans le silence qui suivit cette tirade, une voix vibrante, puissamment timbrée, cria « Tu es un menteur !»